الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. On continue et on s'est arrêté lors du dernier cours au hadith 194. الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والتسعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه البخاري ومسلم. Le 194e حديث. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit « Mon ami intime m'a recommandé trois choses, de jeûner trois jours de chaque mois, d'accomplir les deux unités de prière de Ad-Duha et d'accomplir le witr avant de dormir. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, min bab al-fa'ida, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Awsani khalili » « Mon ami intime m'a recommandé » Et « Al-Khullah » en arabe, c'est le plus haut degré d'amitié. Et « Al-Khullah » pour le définir de façon plus précise, et que lorsque tu as un ami intime, tu l'aimes tellement qu'il n'y a plus de place pour aimer autre que lui. Pour cela que les savants ont dit que ici, le fait que Abu Hurayra radiallahu anhu ait considéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son ami intime est autorisé, car cela émane d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal l'a pris comme ami intime. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de place pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette amitié intime, elle est valable de Abu Huraira vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Abu Huraira. Est-ce que c'est clair? Al-ma'na al-ijmali ijtamala hada al-hadith al-sharif ala thalathi wasaya nabawiyya karimah al-oula al-hathu ala siyami thalathati ayyamin min kulli shahr li'anna al-hasanata bi'ashri amthaliha فيصير صيام ثلاثة الأيام كصيام الشهر كله والأفضل أن تكون الثلاثة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما ورد في بعض الحديث وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية. الثانية أن يصلي الضحى وأقلها ركعتان لا سيما في حق من لا يصلي من الليل كأبي هريرة الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل وأفضل وقتهما ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال كما جاء في حديث آخر. الثالثة إن من لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كي لا يفوت وقته. وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة وأمثاله ممن ينامون عن الوتر آخر الليل. Il dit, rahimahullah, le sens général de ce hadith. Ce hadith englobe trois conseils prophétiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé à Abu Huraira. La première de ces recommandations est l'encouragement à jeûner trois jours de chaque mois. Car la bonne action est multipliée par dix. Ainsi, de jeûner trois jours revient à jeûner tout le mois. Et le mieux, ce qui est recommandé, est que ces trois jours soient les 13e, 14e et 15e jours du mois lunaire. comme cela a été rapporté dans certains hadiths qui spécifient de façon précise le 13e, 14e et 15e jour des mois lunaires. Et Cheikh Al-Bassam dit وَفِي تَخْصِيصِهَا بِهَذِهِ الْأَيَّامِ فَوَائِدْ طِبِّيَّةِ. Et le fait de préciser ces trois jours et de jeûner ces trois jours, il y a en plus que cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités de façon explicite, il y a en plus de cela des bénéfices médicaux ou médicaux, notamment le fait de jeûner pendant les jours de pleine lune. La deuxième recommandation est de prier al-duha. Et le minimum de la prière de duha est de 2 raka'at. Et ici, Cheikh Al-Bassam n'a pas cité le maximum qui est de 8. Le maximum de salat al-duha est de 8. Et cela, cette recommandation est d'autant plus appuyée pour celui qui ne prie pas la nuit. Comme Abu Huraira radiallahu anh, qui était occupé la nuit ou le début de la nuit à apprendre la science. Et le meilleur moment pour accomplir la prière de Duha est Hina Tarmidul Fisal. Ça, on l'a déjà vu dans l'explication des hadiths précédents. Tarmidul Fisal, c'est-à-dire lorsque le chamelet, ça qu'on dit, le petit du chameau, comment on l'appelle, chamelet, hein? Allah alam, je pense que c'est le chamelet. Lorsque le chamelet ne supporte plus la chaleur du sable, lorsque le chamelet ne supporte plus la chaleur du sable et est obligé de se lever et de se mettre à l'ombre. Car ses sabots ne sont pas assez hermétiques pour pouvoir supporter les fortes chaleurs du sable. Et les savants disent que ce moment correspond à peu près à une heure avant la prière de Dhuhr. Donc c'est le meilleur moment pour accomplir la prière de Dhuhr, c'est une heure à peu près avant la prière de Dhuhr. La troisième recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que celui qui ne prie pas la fin de la nuit, celui qui ne fait pas la prière nocturne à la fin de la nuit, alors qu'il accomplisse le witr avant de dormir, afin de ne pas rater, de ne pas louper la prière de l'witr. Et ceci était la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Huraira et à ses semblables, à ceux qui dormaient la fin de la nuit. Car Abu Huraira radiallahu anhu était occupé le début de la nuit à apprendre la science. Et il était donc logique et normal qu'il consacre le reste de la nuit à son sommeil, radiyallahu anhu. Ma yu'khadhu min al-hadith. Awalan istihbabu siyami thalathati ayyami min kulli shahr. Walawla an takuna al-thalitha ashar, wal-rabia ashar, wal-khamisa ashar. Wa qad warada fi ta'yiniha hadithu qatadata ibn Milhan, aladhi akhrajahu ahlu sunan, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة وقال هن كهيئة الدهر. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, qu'il est recommandé de jeûner trois jours de chaque mois. Et le mieux est que ces jours soient les 13e, 14e et 15e jours. Et il est rapporté de façon précise ces trois jours dans le hadith de Qatat ibn Milhan, radiyallahu anhu, rapporté par les ashabu sunan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans lequel Qatat ibn Milhan, radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de jeûner les jours blancs, le 13e, le 14e et le 15e. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hunna ka hay'ati ad-dahr. C'est-à-dire de jeûner ces trois jours revient à jeûner toute l'année. Car la bonne action est multipliée par 10, donc de jeûner trois jours par mois revient à jeûner 30 jours. Et celui qui jeûne chaque mois trois jours revient à jeûner toute l'année. ثانيا استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل لئلا تفوته صلاة الليل والنهار. Deuxièmement, qu'il est recommandé de prier la prière de Dhuha et de la faire et de prendre l'habitude de l'accomplir, surtout pour celui qui ne se lève pas pour prier la nuit, afin لئلا تفوته صلاة الليل والنهار, afin qu'il ne perde pas la prière du jour et la prière de la nuit. ثالثا الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل, أما من غلب على ظنه القيام فيؤخره إليه أي إلى آخر الليل, وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه. Troisièmement, le witr doit être accompli avant le sommeil pour celui qui sait qu'il ne se lèvera pas pour prier la fin de la nuit. Quant à celui qui sait ou qui a la forte conviction de se lever la fin de la nuit pour prier, alors le mieux est de retarder le witr jusqu'à la fin de la nuit. Et si il ne prie pas le witr à cause du sommeil ou par oubli, alors le mieux, il lui est recommandé de rattraper le witr. Quand ? Le lendemain. Et comment se rattrape le witr ? En le faisant de façon pair. En le faisant de façon pair. رابعاً, إن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الغالية التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها لأنها عظيمة النفع جليلة القدر. Quatrièmement, que ces trois jugements cités sont des conseils précieux du prophète صلى الله عليه وسلم. Des conseils qui doivent donc être pris en considération et des conseils que l'on doit s'efforcer de mettre en pratique car ils apportent de nombreux bénéfices. Et parmi également ce que l'on retient de ce hadith, qu'ont cité certains savants, est que ces recommandations, l'étudiant en sciences doit les prendre en considération de façon particulière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé ses conseils à qui ? À Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira qui apprenait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, comme on l'a vu, qui consacrait le début de la nuit à l'apprentissage de la science. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait adressé ses conseils à Abu Huraira radiallahu anhu de façon particulière, les savants l'ont déduit que l'étudiant en science doit prendre en considération ses conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que le commun des musulmans. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس والتسعون بعد المئة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس والتسعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده رواه البخاري ومسلم. Le 195e hadith, selon Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, il a dit, j'ai questionné Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour du vendredi? Il a répondu oui. Et dans la version de Muslim, oui, par le Seigneur de la Kaaba, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le 196e hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du vendredi, sauf s'il a jeûné un jour avant ou un jour après, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي: لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع، لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة وعيد، والعيد فيه الفرح وإظهار السرور وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد، كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها. فشرع إفطار يوم الجمعة، ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو يكون ضمن صوم معتاد، لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره، فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم واجبه. Le sens général du hadith: parce que le jour du vendredi est le jour de fête hebdomadaire. De la même façon que le Eid al-Fitr et Eid al-Adha sont les jours de fête annuels, le jour de fête est un jour dans lequel l'on est joyeux et dans lequel on exprime sa joie. Et c'est également un jour dans lequel l'on proclame notre reconnaissance à Allah Azzawajal de par les bienfaits qu'il nous a accordés et de lui demander de nous combler d'encore plus de faveurs. Pour tout cela, il est recommandé aux musulmans de ne pas jeûner le jour de fête afin d'avoir la force nécessaire pour y accomplir les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il est légiféré de ne pas jeûner le jour du vendredi. Et cela est autorisé et enlève le caractère détestable de jeûner le jour du vendredi, le fait de jeûner un jour avant ou bien un jour après, ou bien de le jeûner lorsqu'il coïncide avec un jeûne habituel, comme le fait de jeûner les trois jours, ou comme le fait de jeûner le jeûne de Daoud en jeûnant un jour et en rompant un jour. Et également, afin que la masse des gens ne croient pas que de jeûner le vendredi a une particularité, et ainsi il pourrait croire que cela est une obligation. Donc ici, parmi les raisons pour lesquelles l'on ne jeûne pas le vendredi seul, c'est également pour que les gens ne croient pas que de jeûner le vendredi a une particularité, un bénéfice particulier, au point que les gens pourraient croire que cela est même obligatoire. Car s'ils voient une personne toujours jeûner le vendredi, ils pourraient se dire: Mashallah, le vendredi, c'est le jour de Jumu'ah, et la prière du vendredi, les musulmans se rassemblent, etc. Le fait qu'un tel jeûne toujours tous les vendredis prouve qu'il y a un bénéfice à jeûner le vendredi. Car la masse des gens ne vont pas toujours poser des questions: est-ce que cela est légiféré? Est-ce que cela n'est pas légiféré? Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de ceci? La masse des gens, la plupart font confiance lorsqu'ils voient des étudiants en sciences, lorsqu'ils voient des imams. Le simple fait de les voir faire une chose, pour eux, c'est légiféré et c'est ainsi qu'il faut faire. Et donc le fait de ne pas jeûner le vendredi seul permet justement que la masse des gens n'ait pas cette façon de penser, n'ait pas cette croyance. Ma yukhadu min al-hadithayn, ce qu'on retient des deux hadiths, an-nahyu an sawmi yawm al-jumu'ah, l'interdiction de jeûner le jour du vendredi. Thaniyan, jawazu sawmihi idha qurina bi siyamin qablahu aw ba'dahu aw kana fi sawmin mu'tad. Deuxièmement, l'autorisation de jeûner le vendredi si il est accompagné d'un jour de jeûne avant ou après, ou si il est jeûné car il coïncide avec un jeûne habituel. Thalithan, yuhmalu an-nahyu fi sawmihi 'ala at-tanzih, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيم كعيد الفطر والنحر. Quatrièmement, que l'interdiction dans ce hadith doit être comprise comme étant détestable, que ce n'est pas haram mais que c'est déconseillé et détestable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le vendredi parmi les jours qu'il jeûnait sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, certains savants ont dit que les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il jeûnait que le vendredi, la plupart sont faibles. Et la deuxième preuve que dit Cheikh al-Bassam est la preuve que de jeûner le vendredi n'est pas haram, mais makrouh, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de le jeûner lorsque l'on jeûne un jour avant ou un jour après. Et si de jeûner le vendredi était haram, catégoriquement interdit, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas jeûné, comme il n'a jamais jeûné le jour de Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Est-ce que Eid al-Adha et Eid al-Fitr, il y a une dérogation pour les jeûner lorsque l'on jeûne un jour avant, un jour après? Non, l'interdiction, elle est claire et formelle. Or, dans l'interdiction de jeûner le vendredi, il y a un peu plus de souplesse, notamment l'autorisation de le jeûner lorsqu'on jeûne un jour avant et un jour après, ce qui prouve que ce n'est pas interdit, mais déconseillé. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع والتسعون بعد المئة le 197e حديث عن أبي عبيد مولى أبي أزهر مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من يوم صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Ubaid, qui était le servant de Ibn Azhar, et son nom était Saad ibn Ubaid, il a dit: j'ai assisté à la prière de l'Eid avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et Omar radiyallahu anhu a dit: ces deux jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de les jeûner. Le jour où vous rompez de votre jeûne, autrement dit, Eid al-Fitr. Et l'autre jour dans lequel vous mangez des bêtes que vous avez sacrifiées, qui est Eid al-Adha. Al-Ma'na al-Ijmali, Eid al-Fitr wa Eid al-Nahr huma al-Eidan al-Islamiyan, alladhan ja'alahuma al-Shari' al-Hakim al-Karim yawmay farah wa surur wa bahjah wa hubur, wa ya'ti fihima al-muslimuna anwa' al-mut'a al-mubaha min al-akli wash-sharab wal-libas waz-zinah wa ghayriha. وقد حرم صومهما لأن الفطر هو تحليل الصيام كالسلام للصلاة ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا التي أمر الله تعالى بالأكل منها، فالخلق في هذين اليومين أضياف الله، فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما. Le sens général de ce hadith, le Eid al-Fitr et Eid al-Nahr sont deux jours de fête islamique que Allah subhanahu wa ta'ala a considéré comme des jours dans lesquels le musulman exprime sa joie et exprime son bonheur. Des jours dans lesquels les musulmans accomplissent des choses autorisées, des divertissements autorisés et se procurent des largesses dans la nourriture, dans la boisson, dans les vêtements qu'ils portent et dans le fait qu'il se fasse beau. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de jeûner ces deux jours. Car le jour de Eid al-Fitr est celui qui autorise de ne pas jeûner. C'est le jour qui vient autoriser le fait de ne plus jeûner. Car le jour de Eid al-Fitr, c'est après un mois de Ramadan, de jeûne du Ramadan, c'est le jour où l'on peut manger. Et il dit, rahimahullah, qu'as-salam il est salah, comme le salam pour la prière. Le salam marque la fin de la prière. De la même façon, Eid al-Fitr marque la fin du jeûne. Et lorsque l'on marque, est-ce que l'on peut marquer la fin du jeûne en jeûnant? Non, on marque la fin du jeûne en ne jeûnant pas. Et parce que Al-Adha est le jour où vous mangez les bêtes que vous avez sacrifiées. Al-Dhaya wa al-Hadaya. Al-Dhaya et al-Hadaya. Quelle est la différence entre Al-Dhaya et al-Hadaya? Al-Dhaya wa al-Hadaya. Dhaya qui est le pluriel de Udhiya. Et Hadaya qui est le pluriel de al-Hadi. Al-Udhiya, c'est la bête sacrifiée pour l'Eid, pour celui qui n'est pas pèlerin. Quant à celui qui est pèlerin, il a aussi une bête à sacrifier qui est en rapport avec ses rites, notamment lorsqu'il est mutamattir, il doit sacrifier une bête qui est appelée al-hadi. Et il est légiféré de manger de la bête que l'on a sacrifiée, que ce soit une udhiya ou que ce soit un hadi, le jour de l'Eid. Car Allah Azzawajal a ordonné de manger des bêtes sacrifiées. Fakulu minha. Fakulu minha wa at'imu al-qani'h. Et il dit, rahimahullah, et les créatures sont pendant ces deux jours les invités d'Allah. Qu'ils acceptent donc son invitation et qu'ils ne jeûnent pas pendant ces deux jours. ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم صوم يومي الفطر والاضحى. Le retient premièrement l'interdiction de jeûner le jour de l'Fitr et le jour de l'Adha. ثانيا ان الصوم فيهما لا ينعقد فلا يصح سواء كان لقضاء او نفل او نذر. Deuxièmement, que le jeûne pendant ces deux jours n'est pas établi et n'est pas valide. La yan'aqid wa la yasih. La yan'aqid, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en compte. Et cela est propre au jeûne du vœu. Lorsque la personne fait le vœu de jeûner. Par exemple, tu dis, si Allah m'accorde un enfant, je jeûnerai le jour de l'Aïd. Aïd al-Fitr. Ici, ce vœu n'est pas valide. Il n'entre pas en vigueur, car il a fait le nadr d'une chose qui est interdite. Et également, il n'est pas valide, notamment lorsque la personne rattrape un jeûne, notamment le jeûne du Ramadan. S'il a voyagé un jour et il doit le rattraper, il le rattrape le jour de l'Aïd. Est-ce que ce jour est valide? Non. Également, le fait de jeûner un jeûne surérogatoire, notamment celui qui veut jeûner les jours de Shawwal, en commençant par le premier jour de Shawwal qui est Eid al-Fitr. Ici, ce premier jour n'est pas valide, il n'est pas considéré comme étant jeûné. ثانيا حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره. Troisièmement, la sagesse de l'interdiction de jeûner ces deux jours. Ce qui est rapporté dans le hadith. À savoir que Eid al-Fitr est le jour par lequel se termine le mois du Ramadan. Ainsi, l'on doit marquer la fin du Ramadan et on doit le marquer de façon claire et formelle, notamment en ne jeûnant pas. وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه فليس من الأدب واللياقة الإعراض عن ضيافة الكريم. Et concernant l'Adha, parce que c'est un jour dans lequel c'est le jour du sacrifice dans lequel il nous est ordonné de manger de cette bête. Ainsi, l'on se doit de s'empresser à mettre en pratique ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala en mangeant de ce qu'Allah azza wa jalla nous a accordé de manger et ne fait pas partie du bon comportement et il n'est pas convenable de refuser l'invitation du généreux. رابعا إنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات. Et quatrièmement, le retient de ce hadith qu'il est recommandé au prêcheur, à celui qui sermonne les musulmans, de leur prodiguer des rappels pendant son prêche concernant les différents événements et d'expliquer aux gens les jugements de l'islam en rapport avec ces différents événements. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela pendant la khutba de l'Aïd. Dans le hadith ici, Sa'd ibn Ubayd a dit « J'ai assisté à la prière de l'Aïd en compagnie de Omar. » Qui a pris l'Aïd ? Omar radiallahu anhu. Et pendant sa khutbah, Omar radiallahu anhu a dit « Naha hadhan yawman inaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an siyamihima. » Ces deux jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de les jeûner. Donc ici, Omar radiallahu anhu a exhorté les musulmans et leur a expliqué des jugements relatifs à l'événement qu'ils sont en train de connaître et de vivre. Et notamment, il leur a enseigné que parmi les jugements de l'Aïd, qui est le fait de ne pas le jeûner. Et avant Omar, qui a fait cela ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, également le jour de l'Aïd, a interdit aux musulmans de jeûner ces deux jours. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.